tous, on va se marrer. Ouais. On va essayer de se marrer. Alors, on va se marrer avec les permanents de l'émission. À ma gauche, une équipe, brushing. Une équipe de choc, okay, qui marque un grand nombre de points chaque semaine et qui gagne. Qui gagne, mais qui gagne surtout à être connu. Bob du club. Arrête déjà qu'il est mauvais joueur. Bonjour, monsieur l'animateur. Et son associé permanent. Ah oui, attends, son associé, on me l'impose. Oh, Maurice, c'est pas vrai. Maurice, tu me narves. C'est peut-être son éminence grise, mais il ressemble pas à John Travolta. Ah bah ça se saurait. Eh oui, eh oui. Bon, allez. Et à ma droite, deuxième équipe composée de GG. Oh, hey. Excellent. N'en rajoute pas quand même. Et les meilleures imitations depuis Pierre Douglas, j'ai nommé Frédéric Costet. Oh oui. Salut les filles. Tu veux pas nous refaire un petit coup comme la semaine dernière? Ah oui, avec oui, une imitation générale. L'imitation générale. Ben, présente. Ah alors, non, c'est moi qui présente. Oui. Ah bah ben oui, mais... Attends, mets la musique. Alors, on va mettre la musique, voilà, c'est parti. On va se marrer. Allez les filles. Avec Maurice. Oui, bonjour, je suis là. Et avec les bouteilles de GG. Oh bah oui, bah c'est toutes des putes. Oh bah oui, parce que je les connais, tout ça, bah. Voilà. Vous pouvez tous avoir la grippa, je fais l'émission moi tout seul. Bah en fin de compte, on n'a plus besoin de venir. Oui. Alors, pour tout vous dire, l'invité est en route. Oui. Voilà. Mais comme vous l'avez vu dans vos campagnes, la neige a envahi nos routes. Ah bon? Et... Ah oui, la neige est là. Oui. On n'est pas à TF1. Hein. Ah non, c'est vrai. Donc dès que l'invité sera là, bien entendu, on parlera avec lui. Et c'est Sébastien Joël que nous attendons. Sébastien Joël qui est un grand organisateur sur Paris, des plateaux du rire, plein de choses. Et bientôt en province, j'espère. Donc on l'attend. Et dès que Sébastien sera là, bien entendu, son micro sera ouvert et on pourra vous le présenter en live. Ah, bravo. Voilà, parce que là, le micro est bleu pour l'instant. Mais alors, qui va donner le nom des équipes ce soir? Ah, c'est vrai qu'il va falloir quand même baptiser. Il faut un comique pour ça. On va désigner Frédéric Costet. Non, mais je propose, moi, que, en fait, vous baptisiez mutuellement. C'est-à-dire que vous allez baptiser l'équipe de Maurice et Gérard. Et non, les... oui. Non. De Maurice et Bob. S'il te plaît. Voilà. Et Bob et Maurice baptiseront d'accord, l'équipe de Fred et Gégé. Alors. Moi, je propose l'équipe des brushing en face. Les brushing. Tu as raison. Oh là, là, là, là. Oui. Et on va jouer contre les cétacés. C'est très bien. On peut changer. on peut les appeler les connards. Bon, alors c'est noté. Et voici la première question. Ah. Ah oui, c'est vrai, il y a des questions. Alors, on t'écoute. Alors, le 1er avril. On a oublié de dire que cette émission était réalisée par Davy. Ah oui, c'est vrai. Le... Et présentée par Philippe Bello. Ouais. Ah c'est lui Philippe Bello. Ouais, c'est moi, ah, c'est ça. C'est, lui. C'est ce qu'il en reste. Alors le 1er avril. Oui. Oui. Est le jour des poissons. Poissons d'avril. Oui, oui. Mais d'où vient l'origine? Quelle est l'origine de ce 1er avril? Bah, c'est chrétien. Explique-toi. C'est pas le jour où Dieu a fait ses matières. Non, c'est parce que c'est le jour où Jésus a multiplié les poissons. Non. Voilà, c'est non, ça. Non. C'était le symbole des chrétiens, le 1er avril. Pas du tout. Pas du... Ah bah si, puisque là on est en train de changer de... On est en train de rentrer dans l'air du Verseau. Oui. Ah non. Et c'est un air qui change tous les 2000 ans. Ah non, parce que moi j'en connais qui rentrent dans l'air du recto. Et à l'époque, donc il y a 2000 ans, on rentrait dans l'air du poisson. Oui. Voilà. Oui. Bon, et bon, alors ça te convient pas comme... Non. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Absolument pas. Non, c'est des choses, mon bobinou. Non, c'est un rapport avec les... Ah, c'est affectueux. Oui. Bah oui, je suis très affectueux. Bah oui. Bah attends, il m'a servi l'apéro, même là, si je dis rien. Même si nous traite de cétacés, t'en fais un petit coup encore. Alors, bah, c'est... Dans les cétacés, tu sais, tu as... c'est des exemples, hein. Oui. Vous n'êtes pas obligé de prendre tu ça à la lettre. Non. Pour vous aider, ça date de Charles IX. Charles IX. Ah, bah alors si ça date de Charles IX. Alors Charles IX. En l'an 1100 là, par là. 1564. Ah bon, je voyais. 1500. Ah, juste avant. Déjà quand même, hein. Ah non, juste après François Ier. Voilà. C'est lui. 1564. C'est lui qui a inventé donc la présélection sur les téléphones. Le 9. C'est pas ça. Non. C'est quand ils sont allés brûler la jeune d'Arc. C'est de ce temps-là. Oui, c'est de ce temps-là déjà. C'est un rapport avec l'édit de Nantes. Oui. Ah. Ah oui. Là, c'est bon, là. Oui, c'est parce qu'on mettait, des poissons dans le dos des protestants. Mais c'est avant d'avoir signé l'édit de Nantes, donc, puisque l'édit de Nantes est signé avec Henri IV. Alors, qu'est-ce que là, ça a changé? Parce que celui qui a signé l'édit de Nantes, est-ce que c'est le même qui a signé l'édit commandement? C'est le même. Et l'édit dit aussi. Hein? Et l'édit dit. L'édit dit, oui. Ah bah c'est grâce à Lady Di qu'on fait le pont maintenant. Oui. Oh, oh. Tu vas voir quand la Lady Gaga elle va mourir. Alors à l'époque aussi, il y avait Lady Chatterley aussi. Oui. Ah bah Lady Gaga on l'a déjà. Te laisse pas faire Maurice. Je voilà donc. Moi je comprends pas pourquoi ils prennent pas les photos de Lady Di pour les pubs Carglass. Non ils font ça pour le miel. Carglass répare. Carglass. Ouais. Remplace. Pour le miel. Ah oui. Ben remplace, elle a été remplacée. Ah oui, c'est la gelée royale. Ah oui. Oh là là. Lady Di, si tu nous écoutes. Bon alors quel rapport avec les poissons? Ah oui. Non, alors Bob, le début de l'explication de Bob. Le tout comment? À le poisson, oui. C'est lorsque le christianisme arrive sur la terre, oui. Nous rentrons dans l'ère du poisson. Mais non, alors là, d'accord. Non, c'est pas ça l'explication. Ah bah, enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec 1500 ans après? Non. Alors 1500 ans après, il y a Lady Nantes qui va être d'accord que les catholiques et les protestants. Oui, mais alors qu'est-ce qu'ils ont changé? C'est un truc très important. Ah bah ils ont changé qu'ils avaient le droit de vivre ensemble. Oui, mais ils ont changé une date importante. À Pâques peut-être. Non. Ah la date de la naissance du Christ. Non. La nouvelle année. De... Oui. Ça tombait le 1er avril. Ça tombait le 1er avril jusqu'en 1564 et ça a été changé à cette date-là. Ah oui, non, je savais c'est pas. Passé au 1er janvier. On va considérer que c'est une bonne réponse de Frédéric Coster. Ah, bon. Et donc, ensuite. C'est possible. Eh oui. Mais on l'a tellement aidé qu'il peut l'avoir le point. Oui. Et oui, parce qu'ensuite, donc, c'est comme avec ta femme. Ensuite, Bob. Ah, ensuite. Bob, c'est comme avec ta femme. C'est toi qui prépares le terrain, mais c'est quelqu'un d'autre qui finit. C'est en ce moment. Hein. Et donc ensuite, ils ont continué le 1er avril à se faire des blagues, à se faire des petits cadeaux. Voilà, les petits cadeaux se sont transformés en blagues. Alors pourquoi le poisson? Une bonne question. Parce qu'en fait, le 1er avril, c'était aussi la date de fermeture de la pêche en rivière. Ah. Et donc les pêcheurs ne pouvant plus aller taquiner le poisson. On se croirait au journal de Jean-Pierre Pernaut. D'accord. Une excellente question de Bob Duclos avec un petit reportage très sympathique. Et donc ils allaient pêcher la pucelle à Orléans. Voilà. Voilà. Ça avait quand même une bonne réponse pour Frédéric Coster. Ouais, je t'emmerde. Ah, c'est agréable. Voilà. Je sais pas si je vais rester. Oh, mais il peut faire les deux. Hein. Ah bah, il reste parce que dans quelques instants, Maurice est sur les starting blocks car ça va être la première tournée de blagues. Ah, alors. Prêt, Maurice? On est prêt. Allez, envoyez la musique. Allez, on revient dans quelques instants. Retour, on va se marrer. Ouais. On va se marrer avec sa fabuleuse et inimitable tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Bob. Oui, c'est une femme qui se rend chez son docteur. Elle se plaint d'avoir un peu de poils sur la poitrine. Alors le médecin lui réclame, montrez-moi ça. Oui. Ah, effectivement, ça descend jusqu'où? Eh ben, jusqu'aux couilles, docteur. Quelle différence entre un rappeur et un campeur? Le rappeur nique ta mère, le campeur monte ta tente. Alors, c'est une petite blague qui a de la barbe, mais je l'adore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas racontée. C'est un peu d'histoire, parce qu'on parlait du Moyen-Âge tout à l'heure. Là. Et donc, ce sont les barbares qui envahissent la Pologne. Et dans le village, ils réunissent tout le monde. Et le chef des barbares, il dit à ses hommes, « Allez-y, tuer les femmes et violer les hommes. Non, l'inverse. Il y a une petite voix dans la foule qui dit « Ce qui est dit est dit. » Vous avez reconnu la petite voix? Oui. On dirait Maurice. On a dit qu'on balançait pas, Gégé. Ah bon. Pourquoi les écolos rêvent-ils tous d'attraper la lèpre? La lèpre? La lèpre, oui. Ouais. Pour devenir biodégradable. C'est pas mal. Alors c'est c'est trois petites souris marseillaises assises autour d'une table qui sont en train de discuter toutes les trois. Puis alors les Marseillaises, tu sais, elles sont pas avares de modestie. Ah, vous savez, hein, les tapettes dans lesquelles on nous attire avec un morceau de gruyère, hein. Eh ben moi, hein, j'ai réussi à en soulever les mâchoires et à prendre les fromages. Ouais, la deuxième, qui est pas en reste, non plus de modestie. Mais vous savez, hein, les grains de blé empoisonnés qui traînent ça et là, eh ben moi, je les grignote comme les biscuits apéritifs. Et la dernière qui décide de les épater toutes les deux. Eh, mais tu vas où? Elle est en train de se tirer. Mais tu vas où? Ah ben je rentre. C'est l'heure d'enculer le chat. Après ce moment de culture générale, voici Colonel. L'épreuve, puisque je vous rappelle que dans cette émission, il y a des épreuves. Et que cette émission est une épreuve. Merci Fred. L'épreuve du trivial. Ah, ah. Et une bonne nouvelle pour Bob, qui ne va pas pouvoir faire de réclamation cette semaine, puisque vous allez être à égalité de partout dans chaque équipe. Oui, c'est vrai. Hein. Alors, le principe, vous le connaissez par à cœur. À égalité en nombre. En nombre, oui, pas en réponse. Oui, parce qu'en neurones, c'est toujours pareil. Donc, deux cartes. Maurice se lance dans les imitations. Oui. Hein. Deux cartes tirées au hasard. Oui. Bien sûr. De trivial. Six questions sur chaque carte. Bah, oui, c'est évidemment. Comme certaines personnes que je connais. Quand elles se font tirer, c'est au hasard. C'est au hasard, oui. Et le but du jeu étant bien sûr de donner le plus grand nombre de bonnes réponses sur chaque carte. L'équipe qui donnera le plus grand nombre de bonnes réponses marquera le point. Le plus grand nombre de bonnes réponses en le moins de temps possible. Ah oui. Parce que si vous arrivez à égalité, c'est le chronomètre qui vous départagera. On ne peut pas parler sur les autres. Hein, non, pas sur ce jeu-là. Alors, vous êtes prêts, Bob, vous allez commencer. Vous voulez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2? On prend la 2. Alors, la numéro 2. Ah, tu crois que tu prenais les deux. Le chronomètre est prêt. Attention, pour la carte numéro 2, l'équipe, alors je ne me souviens plus du nom de votre équipe, l'équipe des Broching, c'est parti. Quelle est la capitale de la République centrafricaine? Maoundé. Non, vous nous dites Maoundé, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'était Bangui. Bangui. Quel film de Stanley Kubrick a inauguré la série des épopées galactiques? De Stanley Kubrick? Oui. Oui, un film donc de Stanley Kubrick très connu qui se passe dans l'espace. Qui se passe dans l'espace? Ah, 2001, l'Odyssée de l'espace? Voilà. Bonne réponse. De qui Clémenceau a-t-il dit il est mort comme il a vécu en sous-lieutenant? Qui c'est qui a dit ça, Clémenceau? Foch? Non, c'était du général Boulanger. Ah oui. Qui est l'auteur de La petite marchande d'allumettes? C'est pour toi, non, La marchande d'allumettes? Non, mais pourquoi? J'en parle pas. Je sais pas, marchande d'allumettes. Piaf? Ah, mais non, un auteur, on te demande. Ah, un auteur. Ben, Piaf, c'est un auteur. Ben oui. Oui. Non, c'était Andersen. Mais oui, c'était Hans. Quel est l'oiseau qui porte traditionnellement malheur? Ah, la chouette. Corbeau, le hibou. Enfin, Je crois que Maurice a donné la chouette ou le hibou? Maurice, t'as dit quoi? Je sais pas, c'est la même chose. Maurice, il dit quoi? Je dis pareil. Ne dis en. Corbeau. Et non, le c'est corbeau, le. Il a dit. Non, c'est le pan. Ah, le pan. Ah oui. Et enfin, oui, Léon Pan. Dans quel sport Claude et Walter Spanghero ont-ils excellé? Le rugby. Et bonne réponse de Bob Duclos. Bon, c'est de ta faute, hein. T'as pas choisi la bonne carte. Non, mais il a changé. Non, on va voir, parce qu'on a la deuxième carte. Donc, deux points de marqué sur cette carte. Score à battre pour l'équipe des Cétacés. Attention, en 2 minutes, hein. Vous avez mis 2 minutes, hein, ouais. Pour les 2 points. Bah, c'est bien déjà. Voici la deuxième carte. Attention au chronomètre, c'est parti. Quels sont les pays parcourus par le Taj? Il y a 2 pays parcourus, oui, par le Taj. Le Taj, c'est pas ce qu'il y a au Portugal, c'est pas celui-là? Oui, c'est ça, c'est le Portugal. Bah, l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal, bonne réponse. Qu'est-ce qui est inséparable d'un chapeau melon? Une botte de cuir. Botte de cuir. Bonne réponse. Qui était le titre? Quel était le titre de Napoléon II? Ah, Napoléon II. L'aiglon? Oui. Non, c'était le roi de Rome. Ah oui. Ah, qui aime à s'écrier élémentaire, mon cher Watson? Sherlock Holmes. Correct. Facile. Dans quel pays vit le panda géant? C'est pas possible. Moi, j'irais le Vietnam à votre place, oui, mais bon. La Chine. La Chine, correcte. Où eurent lieu les Jeux Olympiques d'hiver de 1964 et de 1976? Les Olympiques d'hiver. Hiver. 64 et 76. C'était à Grenoble. 68. Donc en 76. Au hasard. Ça peut pas être en France? Non. C'est la même année que les Jeux Olympiques d'été, les Jeux Olympiques d'hiver. Bah écoute, c'est ce qui est marqué. 64 et 76. C'est pas en Europe. C'est en Europe? Parce que 76, c'était les JO d'été à Montréal. Non. Si. Vas-y, j'en sais rien. Voilà, façon, l'ancienne Yougoslavie. De toute façon, c'était. Oui, ce que j'allais vous dire, de toute façon, vous avez gagné, c'était pour la gloire. C'était Innsbruck. Oui, et en Autriche. Ah. Et en plus, Bob nous soufflait une bonne réponse. Bah oui, je l'ai pas cru. Mais. Eh bien, 4 bonnes réponses sur votre carte, ce qui signifie que vous marquez le point. Bravo à l'équipe des Cétacés. J'applaudis. Tu vois, Maurice, avec tes conneries, on marque pas le point. Oui. Maurice, une réclamation peut-être? Non, pas du tout, j'applaudis. Chers auditeurs, si vous voyez la tronche de Bob. Oui. Ah, Bob n'aime pas perdre, hein, ça c'est du. Mais il fulmine. Oui. Dans quelques instants, nous allons avoir une nouvelle épreuve, bien entendu, mais surtout une deuxième tournée de blagues. Une deuxième tournée de blagues. Ah non, tu vois, parce que tu dis une nouvelle épreuve, c'est pour ça que je dis tu vas chanter. Et je pense que Maurice pourrait peut-être nous faire une de ses blagues récurrentes, ah éventuellement. Oui. Hein. Donc, il a le temps de s'entraîner, le temps de la pause. Allez, à tout de suite. Retourne au Basse-Marais. Sans Sébastien Joël. Non, on l'attend, hein, on vous l'a dit, bien sûr, il est sur la route. Et le temps qu'il nous rejoigne, ça fait 2 fois qu'il nous appelle, normalement il devrait être là. Hein. Donc, de toute façon, s'il n'est pas là avant la fin de l'émission, on flingue son spectacle. On fera un extrait de son spectacle. Mais il n'y a pas de spectacle. Mais c'est pas grave, on va en avoir. Arrête tes conneries, c'est le mien qui l'organise. Ah, et tu pourras nous faire un extrait. Ah oui, si, tu pourras nous faire un extrait, remarque. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que tu pourras nous faire un extrait, remarque. C'est une bonne réponse. Oui, pourquoi je ne vais pas fermer ma gueule. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Ça a été drôle, celle-là. Non, ouais, non, hein. Donc voici cette nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Bob. C'est une jeune fille un peu naïve qui rentre chez, qui va voir son docteur. Bico, ça s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son docteur l'oscule. Alors, vous êtes enceinte de combien, mademoiselle? Oh, vous savez, moi, je sais pas. Hein. Il faisait noir, je n'ai pas compté. Hein. Ah, eh bien, moi, cette semaine, je vais vous proposer des drôles de définitions. Ah. Amour. Mot en 5 lettres, 3 voyelles et 2 consonnes. Et 2 idiots. Ça commence bien. Ouais. Autobus. J'ai pas de micro là. Oui, merci. C'est normal. On m'a coupé exprès. Non. Oui, bah oui, d'après ta blague. Ah, il y a longtemps que c'est fait. Autobus. Véhicule qui roule 2 fois plus vite quand on court après. Ah oui. Et lorsqu'on est dedans, ça, ça il se traîne. Ça, c'est pas faux, ça. Autostoppeuse, jeune femme généralement jolie et courte vêtue, qui se trouve souvent sur les bords de, des routes. Quand vous êtes avec... Sur les bancs des routes ? Sur les bords des routes. Les bancs ? Les bords des routes. Ah, les bords. Mais c'est toujours quand vous êtes avec votre copine. Tu sais qu'on dit au bord des routes, mais pas sur les bords des routes. Enfin, bon, oui. Bref. C'est vrai. Bon. Avocat. Je dis ce que je veux. C'est la dernière. Ah. Allez, Maurice, lance-toi. Avocat. Oui. Seule personne qui écrit un document en 10 000 mots et l'intitule sommaire. Et je vais vous en faire une dernière. Une dernière. Bagnole, vieille auto dans toute, dont toutes les pièces sont, font du bruit sauf la radio. Bien. Ah oui, ça valait le coup de la rajouter. Ah ben, hein. Ça aurait manqué sans celle-là. Ouais. Bon, alors c'est un adjudant qui a ses paras devant lui en ligne. Et dites donc, bande de petits salopards, est-ce que vous connaissez la différence entre un i... Ah non, c'est pas la même. Est-ce que vous connaissez la différence entre un parachute et une paire de couilles? Silence général, personne répond. Et l'adjudant qui fait « Aucune, quand on n'en a pas, on s'écrase. » Merci d'écouter les blagues. Une femme se rend chez Jean... Ah, oh, merde. Maurice sort de ce corps, si je puis dire. Une femme va chez son... Oh là là. Oh là là. Bon, une autre. Alors, attends, le temps que tu la fasses bien, Maurice... Qu'est-ce qu'une blonde avec deux couettes? Un guidon à pipe. En plus, il tape... Il raconte sa blague ignoble et il tape des pieds après quand il a raconté. Un guidon à pied. Un guidon à pied. Alors, il est bien raisonnable. Non, mais attends. Ah non, mais attends. Et l'autre qui est complètement murgé là-bas, qui fait des petits... Ce que j'aime bien avec les blagues des de nos tournées de blagues, c'est qu'à chaque fois, on met la barre un peu plus haut. Voilà. Ouais. Ami de la poésie, bonsoir. Alors, vu l'heure tardive, je pense que, comme les vendanges d'ailleurs tardives... Les vendanges de l'amour. Maurice, on va lui donner au choix... Une de ces blagues fétiches. Alors, la blague du zeste. Non, pas ça. La blague de la vache. Dans ton micro, Maurice. La blague de la vache et le citron. Non. Ou. Moi, j'en ai une autre. Ah, oui, oui. Qui pourrait devenir récurrente. Oh, on la connaît tous, mais je vais pas la foirer, celle-là. Hein. Ah. Je vais essayer. Hein. Ne promets pas de choses que tu ne peux pas tenir. Attends, alors peut-être un petit jingle, la blague non foirée de Maurice. Savez-vous pourquoi le Capitaine Igloo se met... Non, tu l'as foiré, là, au début. Ah non, tu l'as foiré. Là, tu l'as foiré. Attends, hop, on recommence. Savez-vous pourquoi le Capitaine Igloo se met, ne met jamais des cendres? Oh non, mais non, elle est foirée, elle est foirée. Ah ouais, elle est foirée. On n'a pas toute la nuit, Maurice. Allez, on va pas passer la soirée. Savez-vous pourquoi le Capitaine Igloo ne met jamais d'essence dans sa voiture? Bah non. Car il adore se faire dépanner. Bien. Vous êtes content? Oui. Allez. Merci, Maurice. Là, on l'applaudit. On l'applaudit. Non, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on entende le de Philippe. Ah, voilà. Alors, la première partie de deviner, c'est gagné. Vous connaissez le principe de ce jeu, oui, évidemment. Hein. Deviner, c'est gagné, j'ai écrit des... Ça fait 25 ans qu'on fait ça. C'est, dans, celui-là, c'est dans celui-là où il y a la phrase de Bob? Oui. Ah, oui, oui. Oui, c'est dans celui-là. Oui. Alors, un mot tiré au hasard. Au hasard. Pour Bob, d'ailleurs, ah. Qui va essayer de faire deviner à Maurice le premier mot. Le premier mot. J'aimerais qu'il trouve le premier mot. Voilà. Je donne donc à Bob un mot. Oh là là, il y a les acrobaties. Voilà. Et donc, Bob va faire deviner le premier mot à Maurice. Maurice, enfin, tu choisis de faire commencer. Comment c'est, Maurice ou Bob? Il y a mon voisin qui a lu le. Tu vois, c'est les, il est déjà plié de rire. Le public, alors, est-ce que public comment souffle pas. Par cop. Alors, est-ce que tu commences par les clips des cétacés ou par Maurice? Les cétacés. Les cétacés. Bien. C'est pour nous. Donc. Alors, un seul mot à la fois, c'est parti. Nouille. Hein? Pâte. Eh non. Ah. C'est dommage. Ouais. Hein? Alors, Maurice. Hélicoïdal. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as dit, Maurice? Spirale. T'as entendu le premier mot? Nouille. Ah oui. Et les nouilles, ils peuvent être en spirale, hein? Ah oui. Oui. Bon, on va passer en face. Ceci est un message personnel. Le cuisinier secoue les nouilles. L'eau de tes nouilles coule le long de mes coudes. Couilles. Alors. Maurice, tu me désoles. Ah oui, là, attends. Non, pas encore. Non, ça va. Ça va pas tarder, je crois. Plate. Comment? Plate. Plate. Réfléchis bien pendant. T'as le temps de réfléchir, oui, Maurice. Mais bon, là. Oui. À cet âge-là, ouais, l'impossible, nul n'est tenu, comme on c'est dit. C'est vrai. Hein. Fais marcher ton neurone. Oh, allez. Oh putain, mon neurone. Attends, c'est pas alors, à toi de répondre. Nouille, hélicoïdale, plate. On dit n'importe quoi, on va voir s'il trouve en face. Non. Son mot suivant. Oui. Ça, hein? Ils peuvent dire n'importe quoi et on rigole alors, pas, eux. Ah bah si, attends, là, si, on va rigoler, attends. Attends, vous avez pas entendu ce qu'a dit GG. Comment ça s'appelle? Il a dit comme de toute façon, Maurice ne trouvera pas. C'est pas sûr. Vas-y, c'est quoi? Tagliatelle. Bah, les tagliatelles, ça veut dire. Tagliatelle. Non. Ah, alors, pour, alors Maurice. Pour Maurice. Maurice, torticolis. Ah. Ça l'inspire, hein, toujours. Oui. Hein. En face, ça les a vraiment inspirés. Hein. Oui. Mais Maurice. Je veux dire crabe. Alors, je t'ai donné pâte. Ça se fait avec des pâtes. Oui, voilà. Oui. Alors, attends, bon, résume tout, Bob. Mais il y en a qui mangent des pâtes comme des un nouilles. Mot, Bob. Alors, hein? tu résumes, t'as dit. Tu pâte. Résumes. Voilà. Non, t'as dit nouille. C'est nous qui avons dit pâte. Oui, alors, j'ai nouilles. Dit nouille. Mmh. Nouille. Pâte. Voilà. Voilà. Après, j'ai dit hélicoïdal. Oui. Après, j'ai dit plate. Plate. Oui. Et là, je te dis torticolis. Brocoli. Brocoli. Excellent. Allez, on applaudit Maurice, bravo. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ensuite, pour vous, je dirais... Là, dans la tête de Bob. Tu m'énerves, tais-toi. Non, c'est pas ça, la phrase. Solitaire. Il est furieux. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire à vous? À vous, je vais vous dire... Bouillir. Bon, on dit ce qu'on a dit. Tortille. Ah, ah bah non. Ah, t'as encore une chance, ah, Maurice. Oh là là. Ils ont trouvé une partie, mais ils l'ont pas dit entièrement. Donc, alors, attends, je vais te donner l'autre. Ah, vas-y, alors. Maurice. Allez, alors, écoute bien, Bob. Hein. Lily. Bah oui. Oui, t'as déjà la moitié là. Après, faut suivre. Non, mais non. Si, en plus mais il en mange. Tous les auditeurs ont trouvé. Mais oui. Hein. Non, mais il en mange, bien sûr qu'il en mange. Couscous. Non, mais il en mange, j'en suis Bro- sûr. Brocoli. Ah. Tortue. Ça commence par quoi, toi hein. Non, non. Commence par un C. Ils ont dit quoi avant, ils ont dit quoi avant, Maurice? Toski, Trotsky, oui. Oui, oui. On a parlé de Trotsky. Bon, tu sais pas. Je vois pas. Non. Tu vois pas, non. Non, non. Qu'est-ce que je vais vous dire à vous? Eau. Non, je l'ai dit eau. Non, j'ai dit bouillir. Hein. Bouillir. Eau. Bon, on dit notre autre réponse. Oui. Nous disons tortellini. Eh oui, tortellini. Oh dit torticolis pour tortillini. Monsieur ne mange que du caviar. Ils ont dit la moitié tout à l'heure. Il manquait que Lini. Alors j'ai dit Lili pour te mettre sur la voie. Eh ben non. Il est fumasse. Mais moi, tu me nages. Il est fumasse. Bon allez, on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de deviner. C'est gagné. Et Maurice va avoir un mot à faire deviner à Bob. Quelque chose. À tout de suite. marrer. Et une bonne nouvelle, notre invité est arrivé, il a affronté la tempête et la neige. Sébastien Joël. Bravo. Ce que vous dites est vrai. Merci. Ah, et c'est un exploit pour arriver jusqu'à chez nous. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, même le GPS connaît pas. Alors, Sébastien Joël qui nous rend visite cette semaine parce qu'il y a beaucoup d'actualités, une grosse actualité et plein de plateaux à Paris. Oui, enfin surtout, j'ai arrêté de me toucher. Ah oui. Ça, j'étais venu déjà dans votre émission à l'époque. J'étais et là maintenant, je fais des choses intéressantes. Ah, c'est pour ça que je suis venu. Des plateaux. Alors que nous, quand on joue sur ces plateaux, on n'a pas commencé à toucher le pognon. Le pognon. Mais à part ça, il y a quand même les plateaux. Ah bah oui, il y a des plateaux. Il y a des plateaux. Il y a eu surtout cette fabuleuse date du 15 décembre. Oui, c'est vrai, une grande date avec un concours que j'avais lancé depuis le mois de septembre, où chaque semaine, 5 humoristes venaient se confronter, le public votait. Mmh. Et donc, on a eu les 5 meilleurs sur scène le 15 décembre dernier. Très bien. Et qui étaient ces 5 meilleurs déjà? Il y avait entre autres Frédéric Koster, je pense que... Bravo. Oh, non, là, bravo. Et attendez. Ouais. Tu couches maintenant? Oui, couche, oui, paye. Hein. Non, il gagne. À mon avis, il fait les deux. Il doit coucher, moi, je crois. Il couche. Vu la tête de Sébastien, je pense qu'il paye. Hein. Non, c'était intéressant d'avoir le retour du public parce qu'on peut apprécier un humoriste, on peut aimer un humour en particulier et se rendre compte que c'est pas du tout public. Mais on savait déjà que Frédéric Koster c'était du tout public. Ouais, mais moi aussi, quand je joue dans la salle, j'aimerais bien aussi avoir le retour du public parce qu'il est parti. Non, en fait, ça se passe bien. Mais juste qu'on te plaigne. Mais oui, c'est ça. Il veut qu'on lui dise, mais non. On va te donner des trucs à faire. Oui. Ah, c'est bien. Et puis on va t'apprendre à démonter des tables. Tu vas me passer les blagues de Maurice, mais c'est bien. Presque. Ça serait un bon. Donc, alors, on était en train de dire, à part Frédéric Koster, parce qu'il y a des gens qu'on connaissait sur ce plateau. Il y a John et les Jam qui a gagné, qui a joué son spectacle complet. Le but du jeu, c'est que le grand gagnant joue son show complet. Et les trois suivants, en fait, formaient un plateau en première partie du grand show. On a eu Anaïs Petit, qui est une découverte qu'imitatrice, qui est venue vous voir. Ah, excellente. Excellente. Vraiment excellente, oui. Est-ce qu'à l'époque, quand tu étais venu, est-ce que Maurice t'avait fait sa blague du clocher? Ah oui. Oui. Parce qu'il en a d'autres maintenant. Ah, il y a des nouveautés. Ça fait 10 ans que ça dure. oui, c'est vrai. T'as Maurice, refais-lui un petit coup pour Sébastien. Laquelle? Le clocher. Quelle est la différence entre un i? Alors ça m'épare au quart de tour. Quelle différence Et un clocher. Ah bien, mais c'est pas un peu de badois. La question, c'est à Sébastien. Oui, je vais reprendre un peu de badois. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Je crois qu'on n'a pas besoin de connaître la réponse. Ah non, si, là, il faut que tu lui dises. Fais l'étonner. Et vraiment, je me souviens pas de la réponse. Ah bon, c'est vrai? Non, c'est vrai en plus. C'est le voyage qui creuse. Bon, le i, c'est... Faut se calmer. Le i, c'est la voyelle. Ah bon? Et le clocher, c'est la consonne. Là, tu sais quoi? Avec 2 ans d'entraînement, il ne le foire plus. Ah oui. Enfin, en revanche, pas toujours, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu droit encore à un foirage. Alors, nous avons Claire Toucourt avec nous de la Petite Loge et on s'est dit que ça serait bien pour qu'elle puisse savoir si elle va pouvoir l'embaucher à la rentrée pour un spectacle, que Maurice lui raconte la fabuleuse blague du clocher. Ah, en direct? Ah oui. Je me suis déplacé exprès pour ça, donc vas-y. Alors, quelle est la différence entre un i et un clocher? Je ne sais pas. Non, on t'écoute, moi. J'espère que tu sais pas. Non, moi, je la connais pas. Non, on la connaît pas. C'est quoi? Vas-y, le suspense est insoutenable. Vas-y. C'est quoi la différence, Maurice? C'est la console. Jamais il ne va y arriver. Jamais. Tu t'es pas fait exprès. Oui, heureusement. On joue bien que tu l'as pas fait exprès. Jamais il ne va y arriver. C'est pas possible. Si en plus il fallait qu'il le fasse exprès. Alors ça, c'était extrait d'une autre émission. Oui. Qui s'appelait On va saturer. Ah non, il y en a une où on a, ça... oui, il y en a une où on a explosé les micros là. Ah oui, la elle est pratiquement. Je sais plus quand. Il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Ah oui, oui, celle-là, oui, il y a là, on va, faut qu'on remonte effectivement les extrêmes et là. David, notre réalisateur, est sourd. Pas que à cause de ça. Hein. Mais tu vois, t'as des jeunes talents pour tes plateaux, tu vois, hein, de Maurice, il a. Non, mais c'est j'ai de la chance quoi ce soir, parce que c'est pas dans ses habitudes de la réussir. Non, vraiment. Le premier coup. Le soir où je suis venu, en fait, il ne voulait pas. Enfin, je sais pas s'il se souvient, mais il voulait absolument pas la raconter cette histoire. Exactement. L'avantage, c'est que t'as même pas les caisses de retraite à payer parce qu'il est hors. Il est hors cadre. Bon alors, juste avant que t'arrives, on était en pleine partie de deviner c'est gagné. Je sais pas si tu te rappelles de ce petit jeu qui est facile où j'écris des mots anodins. Ça qui est facile, ça dépend pour qui. Ouais. Oui. Donc ah des mots anodins sur des bouts de papier. Le but du jeu étant de faire découvrir le mot écrit sur le papier à ses partenaires. Alors tes partenaires vont être Frédéric et Gérard. D'accord. Oui, donc parce que maintenant on donne des noms aux équipes. Voilà. Ah, il y a deux équipes là. Donc oui. En face c'est ce soir. Le clocher. Face, non, c'est le brushing. Voilà. Et vous c'est les cétacés. Ok. Donc, le deuxième mot de la soirée, on va le donner à GG. Non, qui mais va des cétacés, il y en a des minces. Oui, enfin, chez moi, ça, je ne connais pas. J'ai revu des photos de moi bébé et c'est vrai que j'ai toujours été le même. Et ça m'angoisse aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ah, hein, faut pas. Ouais. Alors, GG, est-ce que tu fais commencer ton équipe ou d'abord l'équipe d'en face? Celle d'en face. Un seul mot merci, à la fois. Merci pour celle d'en face. On t'emmerde pas trop, non? Ça va? Allez, c'est parti. Non, pas du tout. Papillon. Liberté. Ah, oh. Fraternité. C'est votre mot? Oh, bah oui. Hein. Oui. Bob ne consulte même pas Maurice. Voilà, attends. La partie n'est pas finie, Maurice. On va revenir dans quelques instants pour la suite. On va se marrer. Avec la suite, de deviner, c'est gagné. Retour dans la soirée avec Sébastien Joël. Et la suite de deviner, c'est gagné. Allez, attends. Alors, pour nous maintenant. Les cétacés. État rattaché. Ah, bah tu devrais dire une phrase. État. Moi, j'ai un Monaco. Allez, Monaco. Alors, pour l'équipe de Maurice et Gégé. De Maurice et Bob. Enfin, l'équipe de Bob, quoi. On n'a pas trouvé, donc là, c'est pas le bon mot, on est d'accord. Mais non, c'est pas le bon mot, oui. Qu'est-ce qu'on est con. URSS. Annexé. Non. Ça ne plaît pas, ça. Ouais. Imagine si vraiment la réponse est annexée. C'est tout à l'heure, oui. Le contraire. Mais contraire de quoi? De libérer, d'annexer? Ah bah c'est ça, tu devrais lui parler. Enfin, il faut boire pour venir assister à cette émission. Oui, être dans c'est votre pour l'écouter. Enfin, participer. Boire, ça suffit pas. Hein. Libération. Ah, oui. Il faut des substances. Mais non, il a dit libérer. Si oui, il a dit libérer. Un mot pour nous. T'as bien dit tout à l'heure, t'as bien dit les tortillini ou je sais pas quoi pour tortellini. Ah oui, c'est vrai. Pour États-Unis. C'est deux mots. États-Unis. Ah oui, enfin. Ou après Amérique. URSS, États-Unis. Oui. Ah, je l'ai le mot. Alors dis-le. Qu'est-ce que tu penses de fédéral? C'est très bien, moi, je trouve. Fédéral ou fédération? Ah. Parce que les États-Unis, ce sont des États fédéraux. Fédéraux, oui. Et l'ancienne Union soviétique aussi. Alors, fédéral ou fédération, Maurice? Je te rappelle juste que c'est Philippe qui a trouvé les mots. Oui. Faut peut-être pas chercher si loin non plus. Ah bah c'est agréable pour Philippe. Ah bah merci, hein. Oh oui. Oh bah tiens, il fait ça, ça te touche. Fédéral, oui. Non. Ah ouais, c'est pas simple. Putain, c'est pas simple, hein. Oh si. Je retourne dans l'Est. Ah. Ukraine. Toi, tu devrais faire des phrases. Atlas. Tu sais que... Alors, tu qu'est-ce dis que t'as Ukraine. Dit Ukraine. Ukraine. Allez. Allez, révolution. Non. Non. Non, c'est pas mais... là qu'il veut en venir. Moi, je dirais juillet. On réfléchit à haute voix. Monarchie. Non. Et maintenant, je dirais... C'est la monarchie de oui. Juillet. Et maintenant, je dirais 4. Oui, tout à fait. 4 juillet. 4 juillet. Ah, messieurs, c'est à vous. Je dois dire, nous l'avons. Si c'est le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Tu vas pas les faire gagner. Ils savent pas. Je te laisse dire, hein, Bob. Hein, je voulais pas dire. Poutrelle. Ouais. Là, tu te l'es pris dans l'œil. Ah, Maurice a changé de camp. Et vas-y. Autonomie. Oui, c'est ça. Indépendance. Indépendance. Oh là là. Et oui. Et tu pouvais pas dire l'Algérie, idiote. Au moins, on aurait trouvé. Accordez bien. Quand même. Parler des États-Unis. Ah oui, mais attends, il va pas parler d'Evian, GG. Ah, mais non, c'est vrai, il peut pas parler d'Evian. Les accords de William Lawson ou de Smirnov, peut-être. Bon, eh bien, on va être obligé de faire une pause Ah oui, pour mieux revenir pour la dernière partie de Deviner, c'est gagné. Ah oui. Parce que celle-ci a été particulièrement longue. Ah oui. Donc restez avec nous, on revient longue. Avec Sébastien Joël. Allez, à tous. Indépendance. Je vais faire juste comme là on a quand tu vois que ça marche pas, il faut dire des genre tendances ou tu vois des homophones. Juste faire une fin à un début parce que c'est pas facile. Pouvoir, découper. Les indépendants. Bah, je vais juste. Alors. Bon, la partie n'est pas finie parce qu'on va revenir dans. Là, nous, on y est pour rien. Hein. La partie alors, n'est pas nous finie. Avons clair tout court avec nous. Nous avons clair tout court avec nous. Ah, mais c'est loge et on s'est dit que ça c'est serait que la partie bien est loin pour de savoir finir. Si elle va pouvoir l'embaucher. Nous avons clair tout court ah, avec nous. Arrête-toi, tais-toi. Parce qu'il y a la souris qui. N'y touche pas. Attends, regarde, t'as vu le clavier. Tu devrais prendre plus petit. La partie n'est pas finie, Maurice. On va revenir dans quelques instants pour la suite. On va se marrer avec la suite. Deviner, c'est gagné. Avec bravo, Sébastien, on va ça suffit. Bravo. Hein. On alors, va se marrer, président. Ouais, bravo. Monsieur, dis pas de mal de notre président, s'il te plaît. Hein. Monsieur Coster, la partie de deviner c'est gagné n'est pas terminée. Ah, j'y ah oui. Non, ce n'est pas fini, puisque voici le mot. Monsieur Bello, oui. Je ne vous ai pas interrompu. Ça va être chaud. C'est le mot que Maurice va devoir faire découvrir à Bob. Non, c'est le mot de Maurice. Alors Maurice, est-ce que tu choisis de faire commencer Bob ou l'équipe des cétacés? Je choisis Bob. Cétacés. Ah, c'est pour vous. C'est parti. Cétacés, c'est pour vous. Ça c'est suffit. Allez Maurice, étonne-nous. C'est à toi. Anatomie. Vas-y. Le corps. Oui. Non. Je suis d'accord en plus. La main passe à Bob. Bob, regarde Maurice, il s'adresse à toi. Je t'écoute. Tu me regardes. Ah non, non, je peux pas parce que tu me troubles quand je te regarde. Martinet. Hirondelle. C'est vrai que c'est cohérent. Oui, bah, connerie pour connerie. Dodu. Fesses. Oui, on a oh là, fesses. Là là là là là. On est au top. Ceci dit, Brahim, GG l'avait avec Martinet. Hein. Oui. Donc là, c'est Bob, tu me désoles. Hein. Mais non, mais moi aussi, je l'avais avec Martinet. Mais alors, c'était plus drôle. Un mot maintenant pour Frédéric Coster. Ah. Oui, parce que c'est oui. Ne me regarde pas comme ça, Fred. Animal. Ah, là, c'est vaste. Hein. Maurice. Non, j'appelle pas Maurice, je c'est ma réponse. Ah, c'est ta réponse. C'est pas ça. Et là, je rigolerais que ce soit ça, tu vois. Ah, ça serait rigolo. Bon, à vous, les alors, filles. À pour nous. Dents. Animal et dents. Squal. Vas-y, envoie. Floride. Croc. Vous êtes prêts? On est au taquet. Lacoste. C'est crocodile. Bravo. Voilà. En Floride, là-bas, attends, t'as plein de parcs où tu peux aller visiter les crocodiles. C'est tout pire. Oui, mais c'est caïmans pareil. Oui, c'est vrai. Bon, alors, le dernier mot, maintenant que Sébastien Joël a vu comment cette partie se terminait, le dernier mot va revenir à Sébastien Joël. Alors, est-ce que tu fais commencer ton équipe ou d'abord l'équipe de Maurice et Bob? On va commencer en face. Oh, allez, bah oui, c'est pas drôle. Tige. Ah, bah oui. Alors, t'as une idée? Une tige. Oui, en tige, oui. Il y en a beaucoup. Cigarette? Hein. Non. Fleur. Alors, on va essayer de te dire pétale. Une pétale. Et non, pas pétasse. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, c'est entre la cigarette et... Là. Non, non, la main passe. Ah, c'est pas pétale. Non, non, non. C'est non, pas non. pétale, oui. Non, non. Bon, fleur, tige. Oui. Ou tige, fleur. Comment il a... Il y a tige, fleur, couleur. Qui est dans le milieu. T'as quelque chose? Qui est dans le milieu, comment ça Qu'est-ce que... Bah, je sais pas, c'est toi qui sais. Dans le milieu. Dans le milieu de quoi? Des fleurs, tu sais. Ah, ah, les étamines et tout ça, là. Le pustule. Le pistil. L'organe femelle. Alors, tu veux qu'on dise un truc? Calme-toi, comme ça, Gérard. Comme ça, oui. Qu'est-ce que tu préfères, le mâle ou la femelle? Oh, non, je te demande pas. Je prendrais la femelle. Tu veux la femelle? Pistil. Non. Aïe, aïe, aïe, non, aïe. Non, non. La main passe. La main passe de notre côté avec une chanson. Oh. Une chanson. Ah. Les roses blanches aussi. Oui. C'est aujourd'hui dimanche. Tiens ma jolie maman. Il y en a des gens qui ont pleuré là-dessus. Hein. Oh là là. Comment ça s'appelle? Bert Silva, c'est ça? Non, c'est Hervé Villard qui chante. Non, c'est Bert Silva. Oui. Oui. Alors, bien, attends, rose, on va dire alors, rose. Oui, ça paraît rose, bien rose. Nous disons rose. Vous dites rose. Oui. Ce n'est pas la main passe. La main repasse. La main ça repasse. Ça me semblait bien rose. Ouais. Alors écoute bien, Bob. Là. Oui, ah, oui, je suis tout ouïe. Madame. Ce, je dirais bien papillon. Ah. Ah, oui. Ah. C'est vrai qu'il y a un papillon à une tige. Tu trouves ça bien, toi, papillon? Ouais, c'est pas mal. Hein, ah, ouais, ouais, t'aimes bien le principe. Ah, moi, si tu veux, pour t'aider, moi, j'aurais dit Reggiani. Ah, oui. Oui. Reggiani, qu'est-ce qu'il a chanté, Reggiani? Ouais. J'ai un doute. Attends, ah, tu nous trompes, toi. C'est pas Reggiani. Ah, c'est oui, c'est pas, ça finit c'est pas pareil. Ah, ouais, attends, si tu donnes des fautes. Ouais. D'abord, toi, tu es de parti pris. Bon, non, je vais vous aider. Donner une réponse. Ah oui, tu nous aides. Ah, bah, tu nous donnes une mauvaise réponse. Je sais qui c'est. C'est pas Reggiani. Non. Bah alors, ça finit pareil. Il est mort aussi, d'ailleurs, je crois. Oui, ouais. Ça finit pareil. Non, c'est pas Reggiani, ça finit pareil. Il a joué dans. Allez, je vais vous aider dans. Nous sommes tous des assassins. Allez. T'as qu'à leur dire leur mot. Le personnage? Ah, bah alors toi qui l'ouvre pas dans les réponses. Allez, un autre mot. Allez, un autre mot. Rouge. Rouge, oui. Coquelicot. Coquelicot. Ah, et la bonne oui. réponse. Eh oui. C'est Mouloudji, voilà. Ouais, enfin, on a été trompé quand même, c'est dégueulasse. Comme un petit non, il a dit je me suis trompé. Ça t'a aidé quand il a dit je me suis trompé. Oui, mais toi, ça aurait pu t'aider aussi. En fait, ce qui m'a mis sur la voie, c'est quand Fred a imité Reggiani. J'ai dit, mais non, mais cette chanson, elle n'est pas chantée comme eh ça. Ben, si, je n'ai pas imité Reggiani, j'ai juste chanté. Merci. Enfoiré. Enfoiré. Bon, allez, on va revenir dans quelques instants. Il y aura le petit quiz de Fred. Ah. À tout de suite. Pouette, pouette, pouette. Retour, on va se marrer. Oui. Avec Sébastien Joël. Ah, oui. Ouais, ouais. Alors, Sébastien Joël organise des plateaux sur Paris, on en parle régulièrement, mais également peut nous envoyer ses humoristes et tous ses super plateaux. C'est vrai. En province. Ah ouais, ouais, effectivement. Ah ouais. Ça, c'est la nouveauté pour l'arrivée de 2010, c'est d'amener dans les villes, dans les associations, un peu partout, le plateau, parce qu'en fait, la province reçoit plus facilement les spectacles, les gens se préparent à sortir, et c'est vrai que là, sur l'année 2009, j'étais un peu déçu, parce que je me suis vraiment rendu compte que d'abord, les Parisiens sortent de moins en moins, quand ils sortent, ils sont blasés. Bon, on n'a plus de sous. Oui, mais même non, quand c'est tu... vrai que, et puis c'est vrai que sur Paris, on a aussi pléthore de propositions. Ah, c'est vrai que sur Paris, il y a 200-300 spectacles dans la même soirée. Ah non, plus que ça. Plus que ça, il y a 800 spectacles par soir. Il t'en descend 50. À Paris, il y a 800 spectacles tous les soirs. C'est incroyable. Donc, c'est vrai que pour nos amis, par exemple, qui nous écoutent à Toulouse ce soir, à Toulouse, il n'y a pas autant de spectacles qu'à Paris. Alors que Toulouse est une ville super sympa. Et où ça bouge. Ça bouge. Donc c'est une super bonne idée ça. Alors oui, c'est intéressant, on l'a fait là sur on va le faire bientôt là à Villiers-le-Bel, donc on part pas encore très très loin, mais ce sont des commandes effectivement avec la multiplicité des talents, des jeunes talents qu'on voit sur Paris. Et depuis l'arrivée du Jamel Comedy Club, on peut considérer qu'il y a énormément de nouveaux talents. Enfin, je sais pas si on peut utiliser le terme de talent, mais en tout cas de nouveaux humoristes. Ça dépend pour talents, il y en a pas il y en a pas tant que ça. Mais effectivement, la difficulté, c'est de jouer son propre spectacle pendant une heure. Et aujourd'hui, ça pose pas mal de problèmes d'organisation, de trouver une salle, etc. Donc, les plateaux, c'est vraiment l'idéal, quoi. Donc, l'idéal, c'est aussi de partir sur les routes et de les proposer en province. Voilà. Alors, si vous nous écoutez en province et que vous avez envie d'avoir un plateau chez vous, vous êtes une association, une salle, un lieu sympa, etc., bah, le site internet vous attend. C'est simple, hein, c'est sébastienjoelaccrochet.fr. Sébastien Joël, sans point, sans tiret, ah, voilà. .fr. Oui, c'est le contraire de l'indépendance. Voilà, c'est ça. Ah, tu l'as eu en travers ton indépendance. Ah, bah oui, parce que j'étais clair. Oui. Et c'est là vous avez toutes les informations en fait sur D'accord. les plateaux que vous pouvez venir voir sur Paris et puis vous pouvez me contacter pour en commander. Bah, c'est super ça. Alors par exemple, vous pourrez aller voir peut-être un spectacle de Frédéric Oster. Dans les plateaux. Bah oui, je passe régulièrement dans les plateaux de Sébastien Joël. Oui, alors on aura peut-être ce soir, avant la fin de l'émission, un extrait, parce qu'il faut dire que Frédéric n'a jamais fait l'extrait de son spectacle dans l'émission. Ah bon, c'est vrai. C'est vrai. Non, parce que tu sais comment. Et jusqu'à ce soir, j'espérais passer au travers. mais grâce à Maurice, il nous a quand même rappelé à l'ordre. Grâce à cet enfoiré de Maurice. Voilà. Donc je pense qu'après son petit sketch, petit quiz. À quiz. Oui. On aura avant la fin de l'émission un extrait. En attendant, t'as ton petit quiz. Ah bah oui, j'ai mon petit quiz. Alors, le petit quiz. Alors papier... Tu m'envoyais tout de suite. Papier crayon, tout le monde, hein, bien sûr, tout le monde est prêt. On est dans les starting, nous. Hein. Alors, nous allons chercher les journalistes. Pas compliqué, hein, parce qu'on est gourde. Des journalistes. On va chercher des journalistes ce soir, il y en a 9. Waouh. Donc, il y en a 9. Des hommes, des femmes, des récents, des plus anciens. Le point commun... Ils sont tous vivants? Non. Tu verras. Le point commun, c'est qu'ils ont tous présenté le journal télévisé. Lequel ? Le journal télévisé. Voilà. Et excepté un extrait, ce sont d'ailleurs des extraits de journaux télévisés. Sur les 9 extraits, il y en a 8, cet extrait de journaux télévisés. Il y en a un, c'est pas un journal télévisé, mais ils ont tous, à un moment de leur carrière, présenté le journal télévisé. Philippe, tu peux envoyer le jingle ? Parce que le premier, bien sûr, Bob. Oui, c'est le jingle. Bon. D'accord. Canal+, c'est le jour et la nuit, et c'est pour demain. C'est demain matin à 8h que la nouvelle venue des chaînes de télévision en France ouvre son antenne. Joe Dassin est mort. Il avait 42 ans. Il est décédé au restaurant à Papeete d'une crise cardiaque. La deuxième en quelques mois. Né d'un père russe et d'une mère hongroise, il avait fait ses études en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Suisse et aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, 20h50, opération Espadon avec John Travolta. Excellente fin de soirée sur France 2. Alors à propos de renouveau politique, nous allons en parler maintenant avec notre invité. Thierry Luron, bien entendu, vous connaissez Thierry Luron, ses imitations, l'homme de télévision, l'homme de music hall. Eh bien, alors qu'il n'a pas atteint l'âge de Maurice Chevalier, Thierry Luron va faire très bientôt ses adieux au music hall. La crise de la Société Générale occupe encore la une de l'actualité. L'entreprise fragilisée est l'objet de convoitises. Son PDG, nous le verrons, est mis en cause. Revenons d'abord sur le cas Jérôme Kerviel. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. On ne peut pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, l'élection de Miss France 2009, elle s'appelle Rachida Dati. Elle a été élue hier soir en direct sur TF1 parmi 36 candidates lors d'une grande soirée au Puy du Fou. Alors, Laurent Violet, 28 ans, venu de sa Savoie natale. C'est la mère Michel. Quand on a 28 ans et qu'on vient pour être chanteur, c'était ça? Oui. Pourquoi vous pensiez être chanteur? Alors, vous êtes d'origine de Liverpool, Elvis Costello. Vous avez choisi ce prénom d'Elvis un petit peu comme une provocation vis-à-vis du King Presley, Elvis Presley, non? Eh bah, ah, moi il m'en manque deux. C'était pas bien compliqué. Quand là, les deux, non, c'est pas dur. Deux, trois, je les connais, les filles. Mais moi, c'est le 5. La 5, j'arrive pas à me rappeler qui c'est. 1, 2, 3. C'est récent, en fait. Si, moi, je crois. Ah bon? Et puis, oui. Alors, après, je vous raconterai deux, trois anecdotes qu'il y a sur. Oui. Sur et Sébastien, t'en as trouvé combien? J'espère 9. Oh, ah, wow. Ah oui, quand même. J'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Bon, alors est-ce qu'on la décompose? On revient tout, non, maintenant, tout de suite? Oui, tout de suite. Alors, on y va. Alors, Bob, la une. Ça, la première, tout le monde l'a trouvé. Oui. Pardon? Oui. Oui. Ukraine? Oui. Et c'était donc la date? Mais... Ah non. Oui, non, ça, c'était oh, le jingle. La date, ah, pardon, pas oui. Bob, tu disais? Ça, ah, c'est attends, le jingle. Attends. On recommence, on recommence. Ça? Alors. Attends, attends. Alors, ça, j'ai reconnu, oui. Parce que ça ne parle pas. Donc, c'est, j'ai deviné que c'était le jingle. Oh, bravo, Bob. Oh, bah, bravo. Oui, ah, oui. C'est bien. Alors, la première voix. C'est le jour et la nuit. C'est ça, c'est et la c'est fouine. Pour demain. C'est demain matin à 8h que la nouvelle venue des chaînes de c'est télévision en Christine. France ouvre. Alors, donc, son la date. La date, c'était donc le journal du 3 novembre 84. Bon, qu'est-ce qu'on puisqu'elle dit que Canal Plus commence demain. Et ah bah oui. Canal Plus est né le 4 novembre 84. Mais on n'était pas nés, nous, à cette époque-là. C'est ludique, c'est sympa comme jeu. Oui. Mm-hmm. Mais ça rappelle des souvenirs, en fait. La deuxième voix. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Ockrent? Léon Zitrone, oui. Ockrent, elle est à la direction de France 24. Il est décédé au restaurant. Faites parler Maurice avant. D'une crise cardiaque. La deuxième en quelques mois. Né d'un père russe et d'une mère hongroise, il avait fait ses études en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Suisse et aux États-Unis. Léon Zitrone, ils l'ont dit. Oui, oui, on l'a dit, oui. Alors, la voix suivante, je crois que vous l'avez trouvée. Béatrice Schoenberg. Je sais qui c'est Béatrice Schoenberg. Béatrice Schoenberg. Ah oui. Et alors, écoutez ce qu'elle dit. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, 20h50, opération Espadron avec John Travolta. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'opération avec John Travolta passait bien ce soir-là à la télé, mais sur TF1. elle a annoncé le film de l'autre chaîne. Oui, c'est vrai. C'est quand même très drôle. D'accord. Ouais, bah, je l'aime bien. Mais on aurait pu faire aussi, en même temps, le jeu qui couche avec qui. Ah oui. Au Crent avec madame. Ouais, mais Léon Zitrone, je préfère pas savoir. Excellente fin avec de soirée. Avec Maïzena. Ça, c'est bouvard. Ah, puis alors, celui-là. Celui-là, on n'aurait pas assez d'une émission pour répondre. Thierry Luron, bien entendu, vous connaissez Thierry Luron, ses imitations. L'homme de télévision, ah l'homme c'est Yves Mourouzi qui annonce donc l'anecdote et il annonce que le Thierry Leluron qui est là sur le plateau va faire ses adieux au Music Hall et va rentrer en politique et c'était donc une émission du 1er avril. Ah d'accord. Parce que Thierry Leluron n'a jamais eu l'intention oui, de quitter le showbiz. La crise de la Société Générale. C'est ou la Lucet ou la Blaque, la crise c'est pas la 3. Alors je sais pas comment ça s'appelle, la Blaque était sur la 3 qui est partie. Non c'est comment, la Jérôme Carrier. Ah qui est belle comme tout là. Oui, jolie femme. Oui, c'est Gégé qui a, il a pas le nom mais il a la bonne réponse. Sur la jolie comme tout. Pulvar non? Audrey Pulvar. Je connais pas. Allez, je n'aurais pas. Voilà, bah j'hésitais entre les deux. Bah elle est à LCI, à ITV maintenant. ITV, voilà, c'est ça. Pour votre confiance, PPDA. Sont allés les adieux de PPDA. Voilà, cette les affection, adieux. Cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Madame, monsieur, bon. Claire Chazal. Oui. C'est un montage. France hein, 2009, elle s'appelle Rachida Dati. Elle a été élue hier soir en direct sur TF1 parmi 36 candidates lors d'une grande soirée au Puy du Fou. Laurent Violet, 28 ans. Ça, c'est Philippe Gildas. Bah oui. Michel. C'est pareil. Mais il a présenté au début des années 70. C'est un journaliste. Et alors, la petite anecdote, c'est que ça a été un des premiers à. Il y a eu Georges Decaune qui avait fait scandale aussi dans les années 50-60. Mais Gildas a fait scandale parce que c'est pour la première fois un présentateur de journal télévisé a présenté le journal sans cravate. Ah oui. Il a présenté, il s'est amené sur le plateau du journal télévisé avec un petit pull à col roulé. Scandale. C'est au début des années 70. D'origine de Liverpool. Et là, le dernier, c'est Amer. Vous avez choisi c'est l'homme qui ne fait pas des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Même un comme une provocation vis-à-vis du King Presley, Elvis Presley, non? C'était bien Noël, ma mère. Bravo. Ouais. Bravo. On n'applaudit pas, ma mère. Si ça vous plaît, il y en aura peut-être un autre la semaine prochaine. Ah, merci. Vous êtes bien aise. Eh bien, dans quelques instants, si vous restez fidèle à l'émission, vous allez avoir en exclusivité un extrait du fabuleux spectacle de Frédéric Coster. Ah, ah. Alors restez avec nous, on revient dans quelques instants avec Sébastien Joël. Allez, dernière partie, on va se marrer. Ouais, quelle ambiance. Quelle ambiance. Alors Sébastien Joël nous disait tout à l'heure que les plateaux à Paris ça fonctionne, mais qu'il peut aussi les emmener en province pour vos soirées, pour les petites salles, pour les, si vous avez un petit lieu sympa dans votre ville, eh bien n'hésitez pas à l'appeler grâce à son site internet, vous pouvez tout savoir. SébastienJoël.fr. Voilà. Et sur le plateau, vous pourrez par exemple avoir un extrait du spectacle de Frédéric Coster qui est dans l'émission Un des Permanents et qui ne nous a jamais fait son extrait de spectacle. Ça c'est vrai, c'est un enfoiré. Non, c'est un enfoiré. Non, c'est un enfoiré. Quel pute. Salope. Eh ben tu parles d'un lancement. Hein. C'est vendeur ça au moins. Allez dedans. Eh bien voici en exclusivité un extrait du spectacle de Frédéric Coster. Ouais. Bravo. Bravo. Vas-y ma poule. Sandra, pas de coup de fil, je suis en réunion de cadre, merci. Bonjour, installez-vous. Bien. Mademoiselle Martin, n'allez pas si vite, vous allez faire de la fumée. Je suis content. Je suis content, la société a bien progressé au cours du dernier semestre, plus 7%. Conséquence normale, je licencie 1500 personnes. Oui, oui, je sais que nous faisons des bénéfices, je viens de le dire, mais les bénéfices, ça coûte cher, monsieur Bernard. Né le 24 mai 1958, entré dans l'entreprise le 12 juin 1982, ayant pris 15 jours d'arrêt de maladie au cours des 6 derniers mois. Bernard avec un D comme départ, n'est-ce pas? Nous ne vous retenons pas. Plombier, j'ai vos résultats sous les yeux, plombier, c'est bien. Moins 14% par rapport à vos objectifs. Un absentéisme record dans vos services. Des clients mécontents au point de féliciter nos concurrents dans nos cocktails. Bravo. Plombier, pour notre société, vous êtes un bug. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai embauché. En revanche, je sais pourquoi je vous vire. Madame Chevreuil. Qui c'est ça, Madame Chevreuil? Hein? Ah oui. Ah, Madame Chevreuil. Vous comprendrez aisément que vous êtes la suivante sur notre liste de départ. Oui, je sais que nous sommes mariés. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te demander le divorce. Bon, Grognard, je vous gardais parce que votre maman était mourante maintenant qu'elle est morte. Au revoir, Grognard. Polisset. Mais qu'est-ce qu'il a, Polisset? Il devient tout bleu. Qu'est-ce qu'il... Hein? Il fait une attaque. Bon, pff, c'est pas possible, mon vieux. Vous mettez pas dans des états pareils. Je n'ai aucune intention de me séparer de vous. Vous êtes un peu lot to take, hein, Polisset. Hein? A lot to take. A lot to... Vous ne parlez pas anglais, Polisset. Vous êtes responsable marketing et développement en Amérique du Nord et vous ne parlez pas anglais. Polisset, I fuck your mother, bastard cocksucker. Voilà. Non, c'est une expression, ça veut dire nous ne vous retenons pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui s'agite là-bas? Ah ben c'est Berthier, la voix du syndicalisme. Allez-y mon vieux, on vous écoute. Oui ben dépêchez-vous, on n'a pas la soirée non plus. Alors. Hein, pardon, je pensais à autre chose. Vous disiez? Oui, Berthier, j'ai parfaitement compris. Vous souhaitez, de ma part, plus d'humanité. Monsieur Berthier, le train de l'expansion est passé devant vous, vous n'êtes pas monté dedans. Nous sommes tous d'accord pour dire que vos résultats n'ont pas été mauvais, mais très mauvais. Berthier, avec 12 voix contre vous, vous êtes le maillon faible. Au revoir. La suite sur scène. Et oui, la suite sur scène, enfin, et on l'espère, dans les plateaux de Sébastien Joël. Vous on peut appel... commander, on peut commander le spectacle complet de Frédéric Coster aussi en province. Bien, hein. Ah bah oui, c'est qui s'appelle le, un spectacle qui s'appelle. Alors comment on fait le petit, le, tu sais, de, quand, sur les imprimés le petit R copyright, le petit C plutôt entouré, le comic out copyright. Ah oui, allez, c'est déposé. Le comic out, une vieille histoire. Bah, c'est vrai que nous, on a été le voir à Paris, on a eu de la chance parce qu'il jouait à Paris. Extraordinaire. Mais vous, en province, bien sûr. Enfin, c'était le seul de la bande qui n'était pas là. Non, mais il s'est trompé ce soir-là. Non, non, c'était très bien. Moi, j'étais en pleine forme ce soir-là. On s'est éclaté. Gégé s'est trompé, il a été voir Anne Romanoff, il a pas vu la différence. Non, non, non, je supporte pas cette. Par contre, t'as tué maman, regarde. Aussi, elle est bien. Bon, allez, en guise de représailles pour Gégé, voici The Last Tournée of Blague. Oh, yes! Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blague. Alors, Bob. Alors, c'est à l'école des kamikazes. À l'occasion des travaux pratiques, le prof kamikaze s'adresse à ses élèves. Bon, regardez bien attentivement, parce que je le ferai qu'une fois. Attention, Maurice. À travers la presse déchaînée. Ah. Je suis obligé de faire les bruitages et tout maintenant. Oui, du Figaro Magazine. Deux professions bénéficient d'abattements particuliers. Les dames qui font des pipes à Saint-Claude ont obtenu 10%. De Télé 7 jours. Ah. Richard Virenc. J'aime me défoncer sur mon vélo. Ah bah oui, elle est bien bonne. Du Midi Livre. Mise au point aux États-Unis d'une méthode qui permet de déterminer avec 100% d'exactitude le sexe d'un bébé dès le 10e mois de grossesse. Alors, Var Matin. Var Matin. Oui. Oui, Var Matin, c'est un journal. Bah oui, bah oui, c'est. C'est ce que je lis quand je vais chez ma maman. Voilà, il lit Var Matin. C'est intéressant comme info. Oui. Deux conducteurs étaient interpellés par les gendarmes en état d'ivresse. Ah oui. Ah oui, elle est drôle. Oui. Le Républicain Lorrain. Ah, c'est pas la même région. Ah non. Quand vous doublez un cycliste, laissez-lui toujours la place de tomber. Et la dernière. Et la dernière, la Voix du Nord. Vers 18h30, la brigade canine arrive. Tout le monde était sur les dents. Merci Maurice. À chaque fois. Celle-là, t'aurais pu l'éviter. Non, non, c'est bien parce que chaque fois, la dernière, c'est le petit truc en plus. Ouais. C'est quand tu vas chez le boucher, il y en a 500 grammes de plus, je vous les mets quand même. Tu sais. C'est gratuit. Alors, Sébastien Joël. Alors, je vais vous faire une blague sur les Juifs. Parce que comme, en fait, mon grand-père était algérien, ma grand-mère bretonne, que j'ai été conçu par un Martiniquais, reconnu par un Marocain et adopté par une mère juive polonaise et un père belge. Et ici, je cela, peux... Et tout cela est vrai. Il est multiraciste. Et tout est vrai. Je peux vous raconter des histoires. En Algérie, en fait, les Juifs les plus radins sont les Algérois. Et on a un commerçant qui est un fou furieux de son magasin, et c'est toute sa vie. Il prend jamais le temps d'aller manger le midi. Il est tout le temps là. Sa femme en peut plus. Puis un jour, il dit, bon, pour lui faire plaisir, je vais aller manger à la maison le midi. Donc il rentre chez lui. Et il y a un pote qui vient le voir, qui dit, écoute, ton magasin est en train de brûler. Il devient comme un fou, Isaac, il dit, mais c'est pas possible, c'est toute ma vie ce magasin, mais c'est pas possible, il est pas en courant, il voit de la fumée, donc pour lui c'est son magasin qui a brûlé, il dit, je vais me tuer, c'est toute ma vie. Alors il va chez un droguiste et il achète une corde, il va chez lui, il monte au dernier étage, il installe la corde, il va pour se pendre, et son pote, par acquis de conscience, il va voir, et en fait c'est le magasin d'à côté qui brûlait. Donc il court revoir son pote, il dit, Isaac, c'est pas ton magasin qui brûle. Il dit, mais t'es fou, j'ai acheté la corde, j'ai quand même pas acheté pour rien. Vous savez que Bob part souvent en vacances. Ah, tout le temps. Il part souvent en vacances. Oui, j'ai du temps libre. Tu prends l'avion souvent. Je prends l'avion. Et dernier passage, il y a la dernière vacance, il y a l'hôtesse de l'air qui arrive. Excusez-moi, monsieur du club, je ne sais pas trop. Ouais. Je ne sais pas trop comment vous annoncer cela. C'est un steward. Mais il semblerait que nous ayons oublié votre femme à la dernière escale. Oh. Ah, vous me rassurez, je croyais que j'étais devenu sourd. C'était Maurice chez son ophtalmo Et pendant la consultation, le médecin qui lui dit « Écoutez, monsieur Maurice, vous devriez arrêter de vous masturber comme ça. » « Ah bon ?» J'arrive pas, moi. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Mais ça... Allez, ah, vous devriez arrêter de vous masturber. « Ah bon ?» Parce que ça rend aveugle. Non, ça rend pas aveugle, mais ça met tout le monde mal à l'aise dans la salle d'attente. Alors, on va d'abord remercier chaleureusement notre invité, oui, qui nous a fait l'amitié donc de venir d'abord dans l'émission et surtout de nous amener Frédéric et puis plein plein d'artistes qui passent dans l'émission, qui sont sur les plateaux de Sébastien Joël. C'est vrai, il y en a plein. Il y en a plein que vous retrouvez dans l'émission toutes les semaines qui sont avec Sébastien. Donc surtout, un site internet à noter. SébastienJoël.fr. Merci Sébastien. À bientôt, ouais. Merci. Merci à Maurice. Ah, oui. En stéréo maintenant. Allez, et fais-nous une invitation aussi de Bob du club. Merci. Oh bah non, tout le monde pas pareil. Non, Bob du club. Oui, merci à GG. Ah bah pour oui, faire le bar, Fifi. J'ai tout vidé comme à la tour d'argent. Une pute. Merci à Frédéric Coster. Oh, bravo. Bravo. Donc c'est la première fois que vous aviez un extrait, hein. Ouais, première fois. Merci à Philippe pour la réalisation. Ah oui. Bravo. Et à Philippe Bello pour l'animation. Ah ouais. Oh, excellente émission. Alors, trois choses importantes. Le podcast sur iTunes. Sur onvasemarrer.com et le groupe Facebook On va se marrer pour avoir des infos sur tout ce qui se passe dans l'émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la prochaine fois. Ouais. Ouais. Formidable. J'ai enlevé ma veste, j'ai chaud maintenant.